Les inattendus de la science, le dimanche avec vous. Fabienne Chauvière, bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On va commencer par cette affirmation. On sait maintenant comment faire bonne impression en disant tout simplement bonjour. Et ça, grâce à des chercheurs du CNRS, de l'ENS et d'Aix-Marseille Université, ils ont trouvé comment visualiser les représentations mentales qu'on a des gens. L'intonation vocale est à la base de la perception que l'on a des gens. À partir des paramètres acoustiques d'une voix, on émet, même sans le vouloir, des jugements. Des chercheurs ont mis au point une technique informatique. Ils ont généré des milliers de versions du mot « bonjour » et les ont fait écouter. Ils en ont déduit l'intonation du « bonjour sincère ». Pour paraître déterminé, le mot doit être prononcé avec une hauteur descendante, plus marquée sur la deuxième syllabe. Bonjour. Au contraire, pour être perçu comme digne de confiance, la hauteur doit monter rapidement à la fin du mot. Bonjour. Les chercheurs sont donc désormais capables de visualiser le code utilisé par les gens pour juger la voix des autres. La méthode mise au point pourrait plus généralement aider à identifier la représentation des émotions. Bonjour. Bonjour. Good morning to you. Good morning to you. Je ne vais pas dire bonjour parce que du coup, je suspecte que vous allez surveiller mon intonation vocale. On va parler de l'empathie à présent, Fabienne. L'empathie serait génétique. Selon des chercheurs anglais et français, oui, ils ont travaillé ensemble, l'empathie, disent-ils, n'est pas que le résultat de notre éducation. L'empathie, c'est pouvoir comprendre les pensées et les sentiments de l'autre. Il y a 15 ans, des chercheurs ont montré que certains d'entre nous sont plus empathiques et que les femmes, en moyenne, sont légèrement plus empathiques que les hommes. Une nouvelle étude avec analyse d'ADN qui porte sur 46 000 personnes volontaires montre que les facteurs génétiques jouent un rôle important. Mais si les femmes sont plus empathiques que les hommes, ce sont les influences hormonales qui en seraient peut-être la cause. Enfin, les chercheurs ont observé que les variants génétiques associés à une plus faible empathie sont également associés à un risque plus élevé d'autisme. Il était triste, alors je l'ai écouté parler. Dommage qu'ils aient jeté ta fusée. Je sais, c'est triste. Il faut toujours écouter parler les autres. On va parler des repas avec vous, Fabienne, maintenant. Que mangeaient les dinosaures ? Leur menu vient d'être révélé et c'est grâce au calcium qu'on a trouvé. Ces créatures étaient là bien avant nous. Des chercheurs français ont étudié des fossiles du Niger et du Maroc. Ils ont mesuré le calcium de leurs dents et de leurs écailles. Le calcium provient exclusivement de l'alimentation. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont compris que les grands dinosaures carnassiers se nourrissaient de dinosaures herbivores. Certains fossiles exceptionnels, présentant des traces de morsures ou un contenu stomacal, avaient déjà livré des indices sur l'alimentation des dinosaures. Mais ces témoignages restent très rares. La méthode isotopique du calcium offre bien plus de données sur les habitudes alimentaires. Bon appétit, évidemment. Pourquoi nous parlez-vous ce matin de cet hôtel qui va être construit ? Eh bien, parce que c'est un hôtel qui a une vue sur des milliers d'étoiles. Il sera en orbite autour de la Terre. Bonsoir les pauvres ! Bienvenue à... Palace, chez vous ! Une société américaine a ce projet fou d'hôtel dans l'espace et a déjà ouvert les pré-réservations. Les premiers séjours sont prévus en 2022. La note sera assez salée, 9,5 millions de dollars, préparation comprise. Cette préparation durera 3 mois. Actuellement, les astronautes se préparent pendant 2 ans. Sur place, les touristes pourront observer les aurores boréales à travers les nombreuses fenêtres. On ira peut-être demain dans l'espace, comme on partait hier pour un trek dans l'Himalaya. Le lancement de l'hôtel Aurora, c'est son nom, est prévu en 2021. À bientôt les fauchés. Extrait de Palace, le tourisme spatial, bientôt réalité, c'est donc dans les inattendus de la science. Merci Fabienne Chauvière.